Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'histoire des cahiers du cinéma doit quelque chose à Jean Cocteau, qui signait en 59 la couverture du numéro 100. Proche de la revue du cinéma de Jean-Georges Auriol, fondateur avec Bresson et Roger Linhart du ciné-club Objectif 49 et promoteur du Festival des films maudits, Cocteau contribua après-guerre à l'émergence d'une nouvelle avant-garde de critiques et de réalisateurs. Son étoile protectrice guida les premiers pas des jeunes cinéphiles d'alors, ceux de Rivette en particulier. Pour les auteurs de la nouvelle vague, Cocteau demeura toujours un cinéaste majeur. En 1950, dans « Plein feu sur les spectacles du monde », Jean Cocteau parlait du cinéma, un art encore tout jeune, dont il espérait l'âge adulte. Eh bien, monsieur Jean Cocteau, après l'œuvre que vous nous avez donnée et dans le domaine du théâtre et dans celui du roman, j'allais oublier également le domaine de la poésie, vous avez amorcé une œuvre purement cinématographique. C'est donc en tant qu'auteur de films que nous allons vous demander aujourd'hui votre point de vue. Qu'est-ce que vous pensez et comment définir le métier de l'auteur de films ? Je crois que le métier est extrêmement difficile à définir parce que nous sommes à une époque où tout va changer, où tout commence à changer. Le cinématographe est très jeune pour un art, il a 50 ans. Pour une personne, ce n'est pas très jeune, mais pour un art, c'est très très jeune. Pour une muse, c'est très très jeune. Et je crois que nous en sommes aux règles d'Aristote. Tout est en train de dévier et de changer, et changer sur un plan très grave. Même à Hollywood, ça n'a plus quoi faire. Et je crois, par exemple, que le 16 mm va jouer un très grand rôle. C'est-à-dire que si on arrive à synchroniser, à sonoriser le 16 mm, et si on le fait soigneusement, et si on arrive aussi à de très bons contre-types, on fera un film de 50 millions pour 50 000 francs, ce qui sera tout un problème pour les producteurs. Songez-vous, dans un avenir proche, à employer le 16 mm pour tenter quelques expériences analogues peut-être à celles du sang d'un poète? En tout cas, j'aurais raison de le faire parce que aucun jeune homme n'a pu faire le sang d'un poète, non pas parce que j'avais plus de talent que les autres, mais simplement parce que personne n'aurait eu le million qu'on m'a donné à l'époque, le vicomte Charles de Noailles, qui voulait un film pour chez lui. Si le film, on dit, le film est devenu un grand classique, on nous aurait beaucoup fait rire à l'époque. On ne s'est pas rendu compte de ce qu'on faisait. Et puis, à l'heure actuelle, ce million, on se trompe tout à fait quand on croit que l'argent marche selon une échelle. On ne donnerait pas 20 millions comme on donne un million. À l'époque, donner 1 million était déjà énorme, mais ce n'était pas donner 20 millions aujourd'hui. Observez-vous, M. Jean Cocteau, entre votre œuvre cinématographique et votre œuvre écrite, une continuité qui vous satisfasse? Ça, je ne peux pas vous répondre, parce qu'il y a une telle différence. Là, on oublie toujours qu'il ne s'agit pas d'illustrer un texte avec le cinématographe, mais d'écrire en image. C'est une écriture, le cinématographe est une écriture. Ce n'est pas du tout, il ne s'agit pas d'écrire un film et de le faire tourner, il s'agit de le tourner, puisque... Le porte-plume, c'est le caméraman, et c'est moi. Si vous ne faites pas un film vous-même, vous ne l'écrivez pas de votre écriture. Ce n'est pas votre style. Il faut monter son film soi-même. Le montage, c'est le style. Alors, vous faites un film pour le montage, vous fignolez au montage, mais c'est votre style. Mais si vous faites tourner le film par quelqu'un, et si vous faites monter le film par quelqu'un d'autre, vous ne faites pas un film de vous. C'est un film, mais ce n'est pas votre film. Envisagez-vous pour l'avenir des adaptations de votre œuvre écrite analogue à celle que vous avez faite avec Les Parents Terribles? Non, parce que chaque chose doit être une expérience à part. J'ai fait pour L'Aigle à deux têtes un film qui est inspiré par la pièce L'Aigle à deux têtes. Et pour Les Parents Terribles, j'avais fait jadis un découpage, je l'ai jeté au feu et j'ai fait la pièce. J'ai trouvé intéressant de prouver qu'une pièce pouvait être vue par un spectateur qui se promenait sur la scène, qui regarderait les acteurs par un trou de serrure, sous le nez. J'ai donc tourné la pièce dans un rythme cinématographique de telle sorte que ce n'est plus une pièce et que les acteurs qui l'ont joué ne se reconnaissent pas dans la pièce, ils ont fait autre chose. Je suppose que vous avez, entre la pièce Les Parents Terribles et le film Les Parents Terribles, deux œuvres entièrement différentes. Entièrement différentes, parce que au théâtre, beaucoup de choses s'éparpillent, leur regard s'éparpille, leur oreille s'éparpille, tout se concentre sous la loupe du cinématographe et il est évident que le film devient beaucoup plus intense, beaucoup plus aigu. Comment envisagez-vous, M. Jean Cocteau, dans un avenir immédiat, vos projets de cinéaste? Eh bien, j'ai préparé mon prochain film, qui est... J'avais d'abord décidé de faire le film d'après la pièce Orphée. Je me suis rendu compte que la pièce était une sorte de petit bloc auquel je ne pouvais pas toucher moi-même et pas laisser toucher d'autres. Et j'ai suis parti d'Orphée, j'ai fait tout à fait, j'ai fait un film complètement différent de la pièce qui est prêt et que je retarde un peu de le tourner parce que d'abord, nous sommes, comme je vous le dis, à une époque extrêmement dangereuse où les producteurs ont des idées sur le gros tirage. Et qu'en somme, Orphée est un film qui peut être un gros tirage, mais qui au départ a l'air d'un film à petit tirage. C'est-à-dire qu'on a commencé par l'envers. On a commencé par les grands romans fleuves à grosse vente, et au lieu de commencer par les petites revues et les petits tirages, où les grands auteurs ont toujours commencé à faire leurs armes. Le cinéma est l'inverse de la librairie. Oui, c'est-à-dire qu'on est au début de quelque chose, tout ça va se brouiller, puis il va sortir, j'espère, de tout cela un ordre qui n'est pas encore sorti. Vous venez d'entendre Jean Cocteau parler du métier d'auteur de film pour Plein Feu sur les spectacles du monde en janvier 1950. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.